إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يسرني أن ألتقي بإخواني الكرام في هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله مجلس علم وخير وبركة لنتذاكر في أمر ديننا وشرع ربنا ويكون موضوع هذا المجلس بعنوان الأخوة والمحبة. Donc il est plaisant, il me plaît de rencontrer mes frères nobles dans cette assise dont on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette assise soit une assise de science, une assise de bien, une assise de bénédiction, afin qu'on se mémore ensemble un ordre de notre religion et une législation de notre Seigneur. Et le sujet de cette assise ce soir portera sur la fraternité et l'amour. أيها المؤمنون يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة فهذه الأخوة الإيمانية جمعت بين شتات الناس وجمعت بين المتباعدين فهي نعمة من الله عز وجل أنعمه على المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ô les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble Coran, nous a dit, les croyants ne sont que des frères. Et donc cette fraternité de foi dans la croyance, elle a réuni, elle a rassemblé des personnes différentes. Elle a rassemblé, elle a réuni des personnes éloignées. Et ceci est un bienfait d'Allah Azza wa Jal, qui l'a comblé aux croyants. Allah Azza wa Jal dit dans son noble livre, et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez des ennemis et qu'il réconcilia entre vos cœurs et vous êtes devenus par la grâce et le bienfait d'Allah des frères. فَهَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ أَنْعَمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على عباده المؤمنين فهذه النعمة تحتاج منا إلى المحافظة وإلى الرعاية ولا يجوز أن نفرط فيها وأن نهملها لأن التفريط في هذه الأخوة يضعف قوتنا ويفرق جمعنا ويسبب شتتنا فرب العالمين يذكرنا بنعمته علينا وهي نعمة الأخوة قال الله عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Donc ce bienfait est un bienfait immense, est un bienfait important qu'Allah Azza wa Jal a comblé les serviteurs croyants. Et ce bienfait, il nécessite de nous que nous le préservons, que nous prêtons attention. Et il nous est interdit de négliger ce bienfait, d'être insouciant à son égard. Car négliger ce bienfait va affaiblir notre force. Il va diviser notre entente. Et il va causer notre séparation. Et c'est pour cela que le Seigneur des mondes nous a rappelé ce bienfait qu'il nous a comblé, qu'il nous a accordé, qui est le bienfait de la fraternité. Allah Azza wa Jal dit, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il réconcilia entre vos cœurs, et que vous êtes devenus des frères. فهذا فضل الله وبهذا ألف الله عز وجل بين القلوب بفضله ومنه وكرمه يقول الله عز وجل وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Et donc cela, donc cette fraternité, est un bienfait, est une grâce d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui concilie les cœurs par son bienfait, sa grâce, sa largesse, sa générosité. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, et il a concilié leur cœur. Et si, en s'adressant à son noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et si tu dépensais tout ce qui se trouve sur terre, tu n'aurais pas concilié leur cœur. Mais c'est Allah qui les a conciliés. فَالْأُلْفَةُ مِنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلِهَذَا إِذَا كَانَ النَّاسُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَأَلَّفَتْ قُلُوبُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ واجتمعت واتحدت ولم تتفرق. Et donc il faut savoir, l'union, l'entente, elle provient d'Allah Azza wa Jal, du Seigneur des mondes. Et c'est pour cela que si les gens suivent le livre d'Allah Azza wa Jal, la sunna du messager d'Allah Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, en adorant Allah sans rien lui associer, en suivant le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans lui désobéir, sans commettre des innovations, alors leur cœur seront conciliés par la permission d'Allah. Ils se réuniront, ils se rassembleront et ils ne seront pas divisés. Walakin, idha takhallala fi awsat al-umma al-shirkiyat wal-bida' wal-khurafat والمنكرات والمعاصي حصلت التنافر وحصل الاختلاف وحصل التفرق فلهذا فنحن في حاجة ماسة إلى أن نحافظ على هذه الأخوة الإيمانية. Mais si maintenant s'introduit au sein de la communauté des actes d'association, des innovations, des actes de désobéissance, alors ici arrive divergence, et conflit et séparation. Et donc c'est pour cela qu'il est dans un besoin pressant, urgent, qu'on préserve cette fraternité de foi, cette fraternité dans la vraie croyance. أيها المؤمن إن هذه الأخوة تعتبر نعمة من نعم الله علينا يجب أن نرعاها وأن نحافظ عليها أو frères croyants. Cette fraternité, elle est considérée comme un des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, dont il nous a comblés. Et donc il nous est à tous une obligation qu'on y prête attention et qu'on préserve cette fraternité. Wa lihada anna an-nabiyya صلى الله عليه وسلم كان جالسا وبجانبه رجل فمر رجل فقال الرجل الذي بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرته قال لا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب وأخبره فذهب إليه وقال له إني أحبك في الله فقال له أحبك الله الذي أحببتني له. Et donc c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était assis et se trouvait près de lui un homme, un compagnon du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et est passé près d'eux un autre homme, étant un compagnon du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui était assis à côté du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ô messager d'Allah, certes, j'aime cette personne. » Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, l'as-tu informé? Il a répondu, non. Il lui a dit, pars et informe-lui. Il est parti et lui a dit, certes, je t'aime pour Allah. Et il lui a répondu, qu'Allah t'aime pour ce que tu m'as aimé, pour en quoi tu m'as aimé. فأنت عند أن تخبر أخاك المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة أنك تحبه فهذا يقوي المحبة والعلاقة والتعاون بينك وبينه. Et donc lorsque tu informes ton frère croyant qui s'accroche, qui se cramponne au livre d'Allah, à la sunna du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que tu l'aimes, alors ceci renforce l'amour, la relation et l'entraide. وَهَذَا سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الْأُلْفَ. Et donc ceci, ce qu'on a évoqué, est une des causes de l'entente entre les musulmans. وَلِهَذَا مِنَ السُنَّةِ إِذَا أخبرت أخاك المؤمن المتمسك بالكتاب والسنة أنك تحبه بصالحه والتقواه وتمسكه بالكتاب والسنة وبعده عن البدع والمخالفات Yushra'u an tukhbirahu. Et donc c'est pour cela que fait partie de la sunna qu'on doit informer le frère croyant, se cramponnant, s'attachant au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'on l'aime. On l'aime de par sa bonté, sa droiture, au fait qu'il se cramponne au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il s'éloigne des innovations, des actes de désobéissance. Et donc il est légitime qu'on informe le frère qu'on l'aime. فَلِهَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمُعَاذَ بْنِ جَبَلْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Et c'est pour cela que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu: par Allah, ô Mu'adh, certes je t'aime, et n'oublie pas qu'après chaque prière de dire ô Allah, aide-moi à te mentionner, à te remercier et à te vouer une adoration saine. Fanzuru ila an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yukhbiru Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu annahu yuhibbuhu bal yu'akkidu dhalika bil qasami. Et donc regardez, méditez sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a informé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qu'il l'aime. Et plutôt, il a certifié cela en jurant par Allah. فَلِهَذَا يُشْرَعُ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا أَحَبَّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنُ الصَّالِحُ التَّقِي أَنْ يُعْلِمَهُ بِذَلِكَ. Et donc c'est pour cela qu'il est légitime que lorsque tu aimes ton frère croyant, droit, pieux, que tu lui informes que tu l'aimes. وَلَيْسَ مَعْنَ ذَلِكَ أَنْ تُحِبَّ شَخْصًا وَاحِدًا أو أشخاصا وتبغض بقية الأمة لا. Et donc le sens de cela n'est pas que tu dois aimer une seule personne ou que tu dois aimer un groupe de personnes et que tu dois haïr, détester le restant de la communauté. Non. ولكن كلما كان الشخص أكثر صالحا والتقوى وتمسكا وديانة يحب أكثر فلهذا ينبغي أن تخبره. Et donc, comme on a dit, le sens n'est pas simplement que tu aimes une personne, une seule personne, ou un groupe de personnes, et que tu détestes le restant de la communauté. Non. Mais plus le serviteur, plus la personne est droite, qui se cramponne à la religion, au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors celle-ci, elle doit être la plus aimée. Et donc c'est pour cela qu'il convient, quand on voit une personne renfermant ses caractéristiques, de lui informer qu'on l'aime pour Allah. Walakin الواجب علينا جميعا أن نحب المسلمين. Mais il nous est une obligation à tous qu'on doit aimer tous les musulmans. فلهذا جاء في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. Et donc a été rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après le hadith de Abu Hurayrata radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas. Et vous ne croirez pas tant que vous aimez. Et voulez-vous que je vous indique une chose par laquelle que si vous faites, vous vous aimez, propagez le salut entre vous. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله عز وجل أن لا ندخل الجنة حتى نؤمن ولا نؤمن حتى يحب بعضنا بعضا أي لا يكمل إيماننا حتى يحب بعضنا بعضا. Et donc le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah azza wa jal que nous, sa communauté, on n'entrera pas au paradis tant qu'on n'aura pas foi. Et on n'aura pas foi tant que ne nous aimerons pas. Et le sens ici, tant qu'on n'aura pas foi, est que la foi ne sera pas complète. Ce ne veut pas dire dans ce hadith que si on ne s'aime pas, on n'est plus croyant. Non. C'est-à-dire que la foi du croyant ne sera pas complète. يجب على المسلم أن يحب المسلمين جميعا ولكن يحب العبد على قدر استقاماته وعلى قدر طاعته وعلى قدر صلاحه فيقرب من قرب الله عز وجل ويبعد من أبعده الله عز وجل. Et donc, le croyant, le musulman, il lui est une obligation qu'il doit aimer tous les musulmans. Mais il aime le serviteur selon le degré de sa bonté, de sa droiture, de son obéissance à Allah Azza wa Jal. Et le croyant doit mettre en avant celui que Allah préfère. Et il doit mettre en arrière celui dont Allah préfère le moins. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة رضوان الله عليهم لقدر صالحهم وبقدر تمسكهم بالدين. C'est pour cela que le messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait les compagnons selon le degré de leur bonté, selon le degré de la façon dont ils se cramponnaient à la religion. لِأَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ تدين وعبادة لله. Car l'amour en Allah est un acte faisant partie de la religion. Et même, c'est une adoration. C'est un acte d'adoration. فقد جاء في صحيحين أي في صحيح البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص radiyallahu an. Qult ya Rasulullah. Man ahabbu nasi ilayk? Qal Aishatu radiyallahu anha. قلت ثم من من الرجال قال أبوها أي أبو بكر رضي الله عنه قلت ثم من قلت ثم من قال عمر ثم قال عمرو بن العاص رضي الله عنه فخشيت أن يجعلني في آخرهم فسكت. A été rapporté dans le Sahih de Al-Bukhari et dans le Sahih de Muslim que le compagnon Amru ibn al-As, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aishatu, son épouse, radiallahu anha. Ensuite, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, a dit: puis qui parmi les hommes? Il lui a répondu, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son père, c'est-à-dire Abu Bakrin, radiallahu anhu. Je lui ai dit: puis qui? Il a dit: Omar, radiallahu anhu. Et ensuite, Amr ibn al-As, radiallahu anhu, a dit: j'ai eu peur qu'il me place parmi les derniers. Alors, je me suis tue. Il n'a pas voulu continuer à lui poser des questions. An-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kanat ahabba an-nisa ilay Aisha wa kana ahabba rijali ilay Abu Bakrin ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده علي. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la femme qu'il aimait le plus était son épouse Aishatu. Et parmi les hommes, l'homme qu'il aimait le plus était Abu Bakrin radiallahu anhu, puis Omar radiallahu anhu, puis Uthman radiallahu anhu, et puis Ali radiallahu anhu. Fakana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuqaddimu ash-shakhsa ala qadri salahihi وعلى قدر استقامته وكان يحب الشخص على قدر صلاحه وعلى قدر استقامته. Et donc on voit de ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en avant la personne selon le degré de sa droiture, de sa bonté. Il aimait la personne selon le degré de sa droiture et de sa bonté. فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحِبُّ بِلَالَ بْنَ رَبَاحَ الْحَبَشِي رضي الله عنه وَكَانَ يُحِبُّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صهيب الرومي رضي الله عنه فكان يحب أباعد في النسب. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait Bilal ibn Rabah, qu'Allah soit satisfait de lui, qui était un Éthiopien. Il aimait aussi Salman radiallahu anhu, qui était un Perse, qui venait de la contrée de l'Iran. Il aimait aussi Suhayb radiallahu anhu, qui était un Romain. Un Romain, c'est-à-dire aujourd'hui le pays qui est l'Italie. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aimait des personnes qui étaient très éloignées de sa lignée, de sa descendance. وَرُبَّمَا كَانَ يُبْغِدُ أَقَارِبَ فِي النَّسَبِ عِنْدَمَا كَانُوا كُفَّارًا. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il détestait, il haïssait ceux qui étaient proches à lui dans sa lignée, dans sa descendance, du fait qu'ils étaient mécréants. فَكَانَ يُبْغِدُ أَبَا لَهَبَ وَهُوَ عَمُّهُ لِكُفْرِهِ وَلِعِنَادِهِ وَلِمُحَارَبَتِهِ لِلدِّينِ وَكَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يُبْغِدُ كُفَّارَ قُرَيْشِ وَهُمْ مِنْ قَبِلَتِهِ وَهُوَ وَهُمْ مِنْ نَسَبٍ وَاحِدٍ. Et donc, le messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il détestait, il haïssait Abu Lahab, qui était son oncle paternel, du fait qu'il était mécréant, obstiné, et qu'il combattait la religion de l'islam. Et de même, le messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, détestait les mécréants Quraysh, qui étaient de sa tribu. Lui et eux étaient de la même lignée, de la même descendance. بعد ذلك الواجب على كل مسلم أن يقرب من قرب الله وأن يبعد من أبعد الله وأن يحب العبد لصالحه ولاستقامته ولتمسكه بالكتاب والسنة. Il est une obligation à tout musulman qu'il mette au devant celui dont Allah préfère, c'est-à-dire le croyant, bon, pieux, qui se cramponne, qui s'accroche à la religion d'Allah Azza wa Jal, qui a une bonne croyance, qui adore Allah sans rien lui associer, qui suit, qui aime le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'innove pas dans sa religion. Et il doit mettre en arrière celui dont Allah ne préfère pas ou donne moins d'importance. Et Et donc on doit aimer le serviteur du fait qu'il est bon dans sa religion, qu'il est droit dans sa religion et qu'il se cramponne au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Walakin ma'a al-asaf al-shadid takhallalat hadhihi al-qa'idatu في زماننا هذا أصبح الكثير لا يحب على هذه القاعدة وإنما يحب من أجل حزب أو يبغض من أجل حزب وهذه القاعدة تخالف كتاب الله عز وجل والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mais par la plus grande tristesse, cette règle, ce principe, a été négligé en notre époque. Beaucoup de personnes maintenant, quand ils aiment un tel, ils ne l'aiment pas pour ce principe. Certains aiment un tel car il suit le même parti dont il suit, ou il haït celui qui ne suit pas son parti. Et donc, en agissant ainsi, cela va au contraire du livre d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa qa'idatul islam hiya قاعدة المحبة أن تحب من أجل الله وأن تبغض من أجل الله لا من أجل حزب ولا من أجل مذهب ولا من أجل قومية ولا من أجل مصالح الشخصية لا بل تحب من أجل الله. Et donc le principe, la règle de l'islam est un principe d'amour, c'est-à-dire qu'on doit aimer pour Allah, on doit détester pour Allah, et on ne doit pas aimer une personne car il suit le même parti ou qu'il suit le parti que la personne suit ou qu'il est de sa même nationalité, ou qu'il suit les mêmes opinions, ou pour un intérêt de la vie d'ici-bas. Non. On doit aimer pour Allah. فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ صَالِحًا وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا عَنْكَ تُحِبُّهُ ولو كان العبد فاسدا وإن كان أقرب الناس إليك تبغضه هذا هو الواجب. Et donc, plus le serviteur est bon et pieux, et même s'il est éloigné à toi, c'est-à-dire qu'il n'est pas de ta nationalité ou de ta famille ou autre, tu dois l'aimer. Et par contre, Plus le serviteur est désobéissant, pervers, et même qu'il soit proche de toi, tu dois le détester. Et ceci est une obligation pour tous. أيها المسلم الكريم الحب في الله أمر تعبدي فجعله النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الإيمان الواجب. Et donc, ô noble frère, l'amour en Allah est un acte d'adoration et dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a fait de la plénitude de la foi obligatoire. وعندما ضحى المسلمون بالأخوة الإيمانية أصبحوا متفرقين متمزقين متناحرين ومن أجل هذا طمع فيهم أعداؤهم. Donc, comme on a dit, l'amour à Allah est un acte d'adoration. Et lorsque les musulmans, ils ont négligé la fraternité dans la foi, dans la vraie croyance, ils se sont divisés, ils se sont déchirés et ils se sont séparés et il y a eu conflit. Et leurs ennemis en ont profité. وَمَعَ أَنَّ الْحُبَّ فِي اللَّهِ من أوثق العروة الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان. Et en dépit que l'amour en Allah est l'anse la plus solide de la foi et est la branche, le fragment le plus important de la foi. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الولاء في الله والعداء في الله والحب في الله والبغض في الله. Et le messager d'Allah Muhammad صلى الله عليه وسلم a dit: lance la plus solide de la foi est l'alliance en Allah, le désaveu en Allah, l'amour en Allah et la haine en Allah ou l'animosité en Allah. وَلِهَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ اتحدت كلمة الأمة الإسلامية. Et si maintenant le serviteur applique cette règle, alors les musulmans s'unifieront et s'allieront. فقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان فهذا من كمال الإيمان الواجب. A été rapporté dans Sunan Abi Daoud, d'après le compagnon Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, qui donne pour Allah, qui prive pour Allah, alors sa foi est complète. Et donc ceci fait partie de la plénitude de la foi obligatoire. إذن علينا جميعا أن نصحح مقاصدنا ومناهجنا وعقائدنا وأن نعمل بالكتاب والسنة وأن نتحاب في الله رب العالمين وأن ننبذ كل شيء يخالف هذا أي شيء يسبب التناحر بيننا والتباغض بيننا والعداوة بيننا أن نزله من أمامنا ونبتعد عنه وأن نجانبه. Et donc, il est une obligation à tous qu'on corrige nos intentions, qu'on corrige notre ligne de conduite, qu'on corrige nos croyances et qu'on applique, qu'on mette en application le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'on sème pour Allah Azza wa Jal et qu'on dissipe et qu'on éloigne toute chose qui vient à l'encontre de ce principe, toute chose qui cause divergence, haine entre nous, on doit la dissiper, on doit s'en écarter et s'en éloigner. وَأَنْ نَعْمَلَ بِمُقَوَّمَاتِ الْمَحَبَّةِ وَبِأَسْبَابِ الْمَحَبَّةِ. Et qu'on œuvre, qu'on mette en application les principes de l'amour, ce qui peut engendrer l'amour entre nous. Et les causes qui amènent l'amour. فلهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الحب في الله وبين فضائله. Et c'est pour cela que le messager d'Allah Muhammad صلى الله عليه وسلم il a incité, il a encouragé à l'amour en Allah et il a montré, il a mis en évidence les vertus de l'amour en Allah. فنختم بحديث عظيم. Et on va conclure cette assise par un hadith important. فقد جاء في الموطأ للإمام مالك رحمه الله. Le hadith, vous le trouvez dans le Muwatta de l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Min hadithi Abi Idris al-Khawlani al-Yamani rahimahullah. Qal أتيت مسجد شام فوجدت رجلا وحوله حلقة فإذا اختلفوا يستمعون إليه وإذا اختلفوا أسند ذلك إليه أي صبروا عن رأيه أي أخذوا بفتواه واتبقوها فسألت عن هذا الرجل فقيل لي أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. Donc la première partie du hadith, c'est un tabi'i, c'est-à-dire la génération qui vient juste après les compagnons du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah soit satisfait de tous les compagnons du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce tabi'i se nomme Abu Idris al-Khawlani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui était yéménite. Il a dit, je me suis rendu à la mosquée de Sham. C'est une mosquée qui se trouve en Syrie. Et il a dit, j'ai trouvé là-bas un homme. Et autour de lui, il y avait des gens. Et ces gens qui étaient donc les élèves de cet homme, lorsqu'ils divergeaient, ils revenaient vers cet homme. Lorsqu'ils divergeaient, ils s'appuyaient sur les dires de cet homme et ils patientaient. Et ils mettaient en application ce que leur disait cet homme. Et j'ai interrogé au sujet de cet homme. Et on m'a dit qu'il était Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Faji'tu fil yawmi thani. Fahajartu. Ay, bakartu ila al-masjid. ووجدته قد هجر قبلي وهو يصلي فانتظرت حتى أكمل صلاته ثم جئت من قبل وجهه فقلت له والله إني لأحبك فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه الله قال الله قال الله قلت الله فهو يستفهمه ويحلف له بأنه يحبه ثم جذب بحبوة ردائي إليه وقال لي. Donc le tabi'i Abu Idris al-Khawlani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, le deuxième jour, je suis allé à la mosquée tôt, mais je l'ai trouvé, c'est-à-dire Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, qui était venu plus tôt que moi à la mosquée et qu'il était en train de prier. J'ai attendu qu'il finisse d'accomplir la prière. Puis je me suis rendu et je me suis assis en face de lui. Et je lui ai dit, par Allah, certes, je t'aime. Et Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, a dit, pour Allah, j'ai répondu, pour Allah. Il a repris, pour Allah, j'ai dit pour Allah. Il l'interrogeait et il répondait qu'il l'aimait. Puis, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, a tiré l'extrémité du par-dessus de Abu Idris al-Khawlani vers lui. Et il lui a dit, « Abshir, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في أي أوجبت أوجب الله على نفسه بأنه يحبهم بأنه يحبهم فإذا أحببت الرجل من أجل الله وجلسته وزرته وبذلت له من وقتك ومن مالك فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّكَ فَهَذَا يُحَاكِمُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ نَتَعَاوَنَ وَلَكِنْ عَلَى الْخَيْرِ وَعَلَى الطَّاعَ وَعَلَى الْعِبَادَةِ. Et donc, la fin du hadith, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, a dit « Réjouis-toi, j'ai entendu le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Mon amour incombe à ceux qui s'aiment pour moi, à ceux qui s'assoient pour moi, à ceux qui se visitent pour moi et à ceux qui se dépensent pour moi. » C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal s'est imposé qu'il aime qu'il les aime, c'est-à-dire celui qui aime son frère pour Allah, celui qui s'assoit auprès de son frère pour Allah, celui qui visite son frère pour Allah, et celui qui donne de sa personne, qui donne de son temps, de son argent, à la personne pour Allah. Donc tout cela nous tient, nous sert comme arbitre, qu'il est une obligation, qu'on doit s'aimer, qu'on doit s'entraider, mais dans le bien, dans l'obéissance et dans l'adoration. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدَرِ وَأَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ أن يؤلف بين قلوبنا وأن يزيل من قلوبنا البغض والحسد وأن يصلحنا. أسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. اللهم اهديهم اللهم اهديهم اللهم اهديهم اللهم اهدي حكام المسلمين اللهم اهدي حكام المسلمين اللهم اهدي حكام المسلمين. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا